Vous pensez que Canadian Tire, c'est des outils, de la quincaillerie, de la peinture, du saisonnier. Mais nous avons aussi une multitude d'équipements sportifs offerts à très bon prix. Surveillez notre circulaire tous les jeudis pour en savoir davantage. Canadian Tire, commanditaire de l'équipe olympique canadienne. 1751 Boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini. 418-276-2385 ou canadiantire.ca. Le propriétaire Ken Bennett souhaite la meilleure des chances à Marianne Saint-Gelais et Cassandra Bradette aux Jeux olympiques de Pyeongchang. Et c'est le Red Champagne, c'est une boisson unique, au goût unique. Et avec le beau temps qui arrive, il fait bon se désaltérer avec le Red Champagne, au goût qui nous ressemble. En ouvrant une bouteille de Red Champagne, vous sentez ce bon goût de pomme rouge. Au cours de l'été, ne vous privez pas du plaisir de déguster Red Champagne. Red Champagne, disponible partout. Philippe Simard et fils, distributeur de Red Champagne, salue le mois de l'arbre et de la forêt. Dernière chronique de l'année avec notre ami Phil Desgagnés. Salut. Bon matin tout le monde, Danny Veilleux, le bulletin de sport complet de l'édition du 23 mai. Hier, dans l'émission Dans le vestiaire sur les ondes de CKJ avec Michel Tifot et Dominique Bolduc, Michel Tifot a reçu Carole Martel, le directeur des loisirs, pour faire un peu le point sur le projet de la Ligue nord-américaine à Roberval. Et le directeur des loisirs à la ville de Roberval, Carole Martel, a mentionné que le projet chemine tranquillement. On souhaite la première année. Donc, nous, de notre côté, le dossier chemine tranquillement. On a des bonnes sonorettes. Alors, c'est sûr qu'avec M. Martel, de ses autres occupations, puis je pense qu'il a quitté également officiellement la poste de commissaire. On a une rencontre demain, nous, de notre côté, à Roberval, pour faire le point là-dessus, pour avoir d'autres réponses à nos questions. Je vous dirais que ça inaugure bien pour le moment. Quand vous dites, Carole Martel, vous avez une rencontre demain. Les hommes d'affaires qui veulent investir dans le hockey de la Ligue nord-américaine à Roberval aimeraient, dans un premier temps, savoir les modalités du repêchage d'expansion et d'autres réponses à leurs questions avant d'investir, explique Carole Martel. Le fonctionnement, s'il y a repêchage d'expansion, de quelle manière va fonctionner le repêchage, combien de devoirs vont nous protéger pour chacune des équipes, quel sera le territoire auquel on aura droit, devant des questions-là, maintenant, on n'a pas encore ces réponses-là. S'il y a déménagement d'une équipe aussi, parce que je sais que c'était dans l'air, moi, outre les discussions que j'ai eues avec M. Martel, le commissaire, avec la Ligue, j'ai pas eu d'autres discussions. Donc, c'est du déménagement. Est-ce que c'est possible? C'est toutes ces choses-là qu'on doit avoir en réponse sous peu pour franchir une étape. Dans un dernier temps, Carole Martel se donne jusqu'à la fin juin pour donner la réponse définitive. Premièrement, nous, on veut des réponses rapidement parce qu'au niveau de l'aréna, au niveau des disponibilités actuellement, avec tout ce qui s'est brassé avec la concentration liée à la polyvalente de Roberval, parce qu'on a trois nouvelles équipes au niveau du hockey scolaire, l'aréna, on figure présentement avec une équipe senior, une équipe junior 2A, et ligne nord-américaine, junior 2A, puis le hockey scolaire, on est quasiment à 100% d'utilisation. Donc, pour notre côté, à nous, c'est important d'avoir des réponses très rapidement, puis c'est pas cet automne qu'on a besoin des réponses. Je vous dirais que ça va nous prendre des réponses en juin, quasiment au plus tard, fin juin, il faudra nous prendre officiellement des réponses, ça va s'en... On va vous parler du tournoi à bout de souffle de Saint-Félicien qui se déroulait au cours de la dernière fin de semaine. Donc, il y avait quand même pas mal d'équipes. Monsieur Moffler a battu Neuron Vision dans la classe demi-pro puisqu'il y avait 6 équipes. Donc, Monsieur Moffler a remporté en finale. Le Marcos Pub a défait l'équipe de Steven Boudreau puisqu'il y avait 4 équipes en classe amateur. Et dans la catégorie pro, les Requins ont défait Azurco 6-5. Et dans la formation d'Azurco, il y avait un certain Samuel Girard de l'Avalanche du Colorado. Cycliste maintenant, c'était en fin de semaine la deuxième course de l'année pour Victor Véro de Saint-Félicien. On sait que Victor Véro a vaincu a combattu la maladie de Hodgkin l'an dernier et il a pris quasiment une année sabbatique. Donc, il a pris le 18e rang dans la catégorie U23 et contre la montre, Victor Véro a terminé au deuxième rang. Il y avait également d'autres cyclistes du club vélo de Max de Saint-Félicien qui étaient là-bas. D'abord, notons la sixième place pour Zach Dubois au cross-country. Raphaël Lavoie a terminé au 16e rang au Brie au cross-country. Maintenant, chez les minimes, Tommy Perron a terminé au 17e rang, toujours dans la classe cross-country. Chez les 40 ans et plus, Luc Ménard et Jonathan Dubois ont fini en deuxième et troisième position. Et notons également chez les maîtres experts, 30-39 ans, Louis Dumas a signé une sixième place et une quatrième position dans une autre catégorie. Et chez les experts 19-29 ans, William Vero a conclu au quatrième rang au cross-country. Et chez 30-39 ans, Tommy Lavoie a terminé au cinquième rang, tandis que Martin Germain a pris le sixième rang au cross-country. Et donc, je vous invite à écouter la section entrevue de danradiosport.com. Hier, je me suis entretenu avec le descripteur des matchs des Golden Knights de Las Vegas, Éric Lacroix, où on parle évidemment de l'équipe des Golden Knights qui sont vraiment en feu. Ils ont atteint la finale de la Coupe Stanley contre le vainqueur de ce soir entre les Capitals de Washington et le Lightning de Tampa Bay. Et également, vous pouvez écouter l'entrevue que Michel Tifo a fait avec Carole Martel, le directeur des loisirs à la ville de Robertval, où on parle évidemment du projet de la Ligue nord-américaine de hockey. Le sport local et régional à danradiosport.com. On s'en occupe.